vérité fait fuir les hommes. Pourquoi l'oseille noire si mon corazon? Je les entends parler, pas besoin de faire des tonnes. N'écoute pas ce qu'ils disent, pas des Corleone. Baby, les millions c'est la forme, dans le fond je mène une sale vie. J'suis toujours sur mes gardes, au cas où faut nettoyer. J'ai déjà tout essayé, mais c'est pas mieux qu'avant. Non, non. Elle kiffe sur mon petit côté caillé. C'est même pas fini qu'elle entende encore. Elle voudrait qu'on le fasse dans les arrêts. Dans les arrêts. On dirait qu'elle est possédée. Elle veut que je la prenne par les cheveux. Et je partirai le cœur léger. Le jeu est devenu dangereux. Bang me. Pourquoi la vérité fait fuir les hommes? Pourquoi l'oseille noire si mon corazon? Souvent distant pour elle, je suis sans âme. Elle aime quand on le fait comme des sauvages. Pour un oui, pour un non. Parano, méfiant. Pour un oui, pour un non. Baby va doucement. Les embrouilles, le sexe sans amour, c'est son élément. Elle veut que j'arrête de la revendre dans le périmètre. Elle sait que je peux tirer s'ils ont parlé sur moi seulement. Un peu trop nerveux, c'est mon médic, c'est mon seul remède. Très très sexy de base, elle mise tout sur ses formes. Dans ses yeux, je vois que le diable est entré dans son corps. J'aimerais que tu me laisses être dans ta tête juste une dernière fois. C'est comme dans un piège, une fois que tu entres, tu n'en ressors pas. Pourquoi la vérité fait fuir les hommes? Pourquoi l'oseille noire si mon corazon? Souvent distant pour elle, je suis sans âme. Elle aime quand on le fait comme des sauvages. Pour un oui, pour un non.